Tu peux tenir, hein? Mais là, il faut changer l'écran. Et en plus, on est en direct. Il y a même des gens qui me suivent déjà. Tous sont déjà branchés. Mon Dieu, c'est ça. Où est-ce qu'on était même? Ouais, ça serait mieux. Là-bas, comme ça, on tient ça devant vous, comme ça, vous venez avec. Les gens sont déjà branchés, regarde tout ce monde là. Bon, ah là là là là, voilà, tu as vu, parce que c'est le titre qui a attiré tout le monde. Mais le caméra, la caméra là, là. Oui, tout le monde doit s'assurer que je suis déjà ici. Oui, oui. Voilà, tout à fait, tout à fait. Merci, merci beaucoup, merci. Il y a déjà quelqu'un qui me souhaite la bienvenue, merci beaucoup. Bon, là on est à Avis là, pour le véhicule, hein. Ça retarde un peu, comme vous constatez, voilà. Tout le monde est en ligne. Voyez-vous, hein? Donc c'est pas vraiment facile. Je suis en train d'attendre le véhicule, oh, je serai avec vous. Je serai avec vous. Donc c'est ce que j'ai voulu juste vous dire que ça va. Hein? Je suis là. Bon, l'équipe est là, l'équipe a dit ne veulent pas être sous la caméra. Ils ont refait. Ils vous disent bonjour à tous là-bas. Okay. D'accord. Bon, écoutez, donc rendez-vous demain, on se retrouve. Okay. Tôt, hein. Juste pour vous dire, il faut venir un peu plus tôt. Hein. Ceux qui n'ont pas les tickets, il faut venir très tôt. Il faut payer à l'entrée. Donc, ce sera plutôt venir autour de 11h, entre 10h et 11h pour être là. Okay. Donc voilà, je peux vous dire que je suis là. Je suis dans le mur de Paris. Là, je suis en train d'attendre, comme vous le constatez, là, je suis en train d'attendre le véhicule. C'est toute une longue ligne là d'attente. Je suis en train d'attendre mon véhicule et puis voilà, je serai avec vous. Merci. Que le Tamwanga vous bénisse. A plus. Merci bien. Merci. Oh, les gens viennent encore demander les histoires des heures du début du séminaire. Oh, les heures ont été communiquées, non? Hein? On vous a communiqué les heures. C'est... Les activités normalement commencent à partir de 14h, non? C'est ce qu'on avait conclu. Plutôt 15h, autant pour moi. 15h00, je démarre demain. Mais, parce qu'il y a beaucoup qui vont payer cash à l'entrée. C'est ceux-là que je recommande d'être là dès 10h. Hein? Entre 10h et 11h, c'est mieux de venir un peu plus tôt. Comme ça, on a le temps de vous enregistrer et vous donner les badges. Par contre, tous ceux qui ont payé, ils auront déjà leurs badges. Les noms sont déjà sur les badges. OK? Voilà. Donc, l'heure, ceux qui ont déjà payé l'heure, c'est... 15h, mais il faut être un peu plus tôt là. Okay? Merci beaucoup. Bonne journée. J'attends toujours mon véhicule là. On attend. Merci. Pardonnez les transactions devant la crâne. C'est l'équipe qui ne veut pas. L'équipe qui est avec moi ici qui n'a pas voulu faire partie du film. Donc c'est à partir de mon petit téléphone. Pardonnez de l'imperfection là. Il y a embrouille. Embrouille de quoi? Pourtant, la caméra montre bien, là. J'ai pu m'acheter une puce ici en France. Vous ne me suivez pas bien, là? J'espère que tout le monde va bien me suivre, non? Donc, je confirme que je suis bien dans vos murs. Voilà. Merci bien. Je suis bien dans vos murs, donc... passez le message à tout le monde. Là, je suis en train d'attendre mon véhicule, là, à Avis. Il y a un petit retard, je ne sais pas ce qui se passe. Voyez vous-même, hein, la ligne, c'est très long là, il faut attendre. Là, je suis juste à l'aéroport en train d'attendre mon véhicule. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis bien arrivé, il n'y a pas de problème, mon équipe est ici. Mais une fois de plus, ils ne veulent pas faire partie de la caméra. Donc on se voit demain, tout le monde. Soyez là un peu plus tôt. À partir de 10h, ce serait mieux. Pour ceux qui n'ont pas payé là. Et ceux qui vont payer sur place, il faut être là dès 10h qu'on vous enregistre. Merci beaucoup. Que Tekamonga vous bénisse. Et notre séminaire donc démarre demain. Et soyez et invitez tout le monde. Et on se retrouve. Merci beaucoup. Que Tekamonga vous bénisse. Merci. Merci.